Si seulement il y avait une émission amusante et instructive sur la bande dessinée. Ça existe, Billy. Ah, mais vous sortez d'où? C'est Fréquence BD, et c'est tout de suite. Wow. Bonjour à tous et bienvenue sur Fréquence BD, votre émission bande dessinée, tous les premiers vendredis du mois sur Fadjet. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce mois de décembre. Comme d'habitude dans cette émission, nous allons faire le tour de l'actualité bande dessinée et parler de la vie en général, de nos goûts, de ce qu'on aime. Mais quand je dis « on », ça veut dire que je ne suis pas seul. Et effectivement, je suis en compagnie de mes deux chroniqueurs favoris, parce que ce sont mes seuls actuellement avec moi, mais je les aime beaucoup. Bonjour Gabriel, comment vas-tu? Bonjour, ça va. La forme, ça va super. La et forme toi? Ou pas? Ouais. La forme carrée. La forme carrée, la forme est carrée. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Ouf, j'ai été faire un test Covid. Ah, et alors, est-ce qu'il est positif? Il est négatif. Bon, bah c'est déjà une bonne nouvelle, on commence sur une bonne nouvelle. Et, voilà, contrairement à moi qui suis super positif. C'est vrai, tu es super positif, mais on ne ressent pas beaucoup. Nous avons également Marie qui est présente avec nous. Bonsoir Marie. Bonsoir Benjamin, bonsoir tout le monde. Alors, est-ce que toi aussi tu as fait un test Covid aujourd'hui? Non, pas du tout. Je n'ai pas besoin. D'accord, bon bah t'as passé au moins une bonne journée, j'espère. Ça va. Nous, aujourd'hui, aujourd'hui c'est une émission assez spéciale parce que c'est décembre. Décembre, c'est quoi? C'est Noël à la fin du mois. C'est aussi la nouvelle année. Au programme de cette émission, outre les sorties BD, vous aurez la chance de pouvoir écouter un reportage effectué à la Foire du Livre de Brive. Rappelez-vous, en émission de novembre, on avait discuté avec Emmanuel Dev, l'organisateur de la partie BD de cet événement. Est-ce que vous vous souvenez? Je pense que oui. Ils ont une mémoire incroyable. Oui, enfin, quand je disais vous, je pensais à vous deux, pas à ceux qui nous écoutent, parce qu'ils ne peuvent pas me répondre. Mais, Je te le dis parce que je sais, tu vois. Ok, t'as des oreilles. Je vois. Faites attention, Marie a des oreilles dans votre poste radio. Et donc, vous aurez accès à ce reportage. Et ensuite, nous allons parler de contes, de légendes, de Noël, du Saint-Nicolas, du chocolat ou je ne sais pas quoi, du vin chaud peut-être. Enfin bref, commençons tout de suite avec les sorties BD. Fréquence BD. Le 1er décembre est sortie une bande dessinée inspirée d'un jeu vidéo que vous connaissez sans doute, Far Cry. Vous connaissez? Oh. Ouais. Eh bien, oui. Est-ce que vous aimez Far Cry? Oui, assez, ça dépend lesquels. Oui, bon, ils se ressemblent un peu, mais bon, voilà, Far Cry, hein, pour... Ah, il y en a quand même qui sont mieux que d'autres, mais... C'est vrai, bah, pour résumer l'histoire, hein, j'ai pas beaucoup joué au Far Cry, mais il me semble que c'est, à chaque fois, il y a des dealers, tu vas dans un pays, tu butes tout le monde, et à la fin, t'es content. Il y a des histoires comme ça. À c'est ça. Enfin, bref, Far pas Cry... Pas totalement. Oui, pas totalement, mais à peu près. Far Cry... Si, totalement. Ah, totalement, pardon. Oui. Donc ce que je voulais dire, c'est le titre, c'est Far Cry, les larmes d'Esperanza de Mariol, Basti et Khaled. Donc en fait, c'est un préquel au dernier Far Cry qui est sorti en début octobre, donc Far Cry 6. Donc voilà, c'est un préquel, je sais pas si vous avez joué à Far Cry 6, mais si vous voulez savoir ce qui s'est passé avant le jeu, bah la BD est là. Et en fait, ça va nous raconter l'histoire de Juan Cortés, qui va aider un petit pays d'Amérique du Sud dans une guerre pour le contrôle d'une ressource super rare. Et pour ce faire, il doit tout simplement tuer le général local. C'est pas mal hein, comme mission. Donc au menu, il y aura évidemment pas mal de bagarres, des fusillades, sans doute de la drogue, de l'action, et peut-être des scènes de lit, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est l'esprit Far Cry qui est là-dedans, et les dessins sont fous. Voilà. Donc, Far Cry, les larmes d'Esperanza, le 1er décembre. Est-ce que ça vous donne envie? Oui. T'as pas l'air convaincu. À voir. T'as pas l'air convaincu. À voir. Oui, après, les jeux vidéo en bande dessinée, ça passe hein, en vrai. Je crois que c'est... C'est vrai. Far Cry, si je... Ouais, mais c'est... Oui, vas-y, Marie. À voir, en fait, ce que ça apporte, en fait, l'aspect BD à l'histoire. Est-ce qu'ils l'ont, simplement un peu copié-collé ou est-ce qu'ils ont rajouté quelque chose d'un peu propre? Vu que c'est un préquel, j'ose espérer qu'ils n'ont pas fait de copier-coller de l'histoire du jeu. Ça serait quand même idiot. Non, mais oui, mais même de... Enfin, je veux dire, de l'histoire des grands axes, etc., quoi. Mmh. Donc, à voir, ça peut être sympa, mais est-ce que, par exemple, il va y avoir une part donnée plus importante à la narration, enfin j'espère, parce que c'est quand même une histoire principale, parce que dans Far Cry il y a aussi l'aspect jeu quoi, enfin purement shooter, oui. Mais ouais, c'est le but d'un jeu, mais ouais, je comprends ce que tu veux dire, c'est d'accord, ouais, non mais je comprends. Quelqu'un qui ne connaît pas Far Cry comprendra, c'est un peu ça ce que tu veux dire? Non, pas vraiment, mais c'est est-ce que le format BD en fait va apporter quelque chose en plus? Je sais pas, mais Simplement juste raconter l'histoire. Si on avait eu les bandes dessinées de Assassin's Creed qui étaient très bien, donc il me semble qu'en plus c'est de la même boîte, hein, Far Cry et Assassin's Creed Ubisoft, donc enfin bref. Ensuite, je vous propose dans un autre thème. Les gouttes de Gagnor et Zanchi qui sortira le 10 décembre. Alors pourquoi un autre thème? Car là c'est beaucoup plus enfantin. Ça nous raconte l'histoire de Plic, une petite goutte d'eau qui a peur de tomber de son nuage lors du prochain jour de pluie. Et un jour il y a un orage et il se retrouve séparé de ses compagnons gouttes de pluie. Et tous ses compagnons vont œuvrer pour aller le retrouver. Donc ils vont devoir affronter les terribles dangers se trouvant sous les nuages, comme les gamins qui jouent au foot, les chatons, les gens qui vont au travail, enfin bref, tous ces dangers que les gouttes d'eau doivent subir dans leur quotidien quand elles sont sur Terre. Donc voilà, les gouttes. J'ai trouvé les dessins très jolis. Et moi, ça me donne envie. Je sais pas ce que vous en pensez, Gabriel. Moi, ça me semble très poétique. Ouais, puis c'est marrant, les petites gouttes, elles sont de couleur, elles ont des souris et tout. Ça a l'air adorable. Est-ce que t'as les images sur les yeux ou pas? Non. Non mais je te demandais, hein, c'est pas grave. Donc voilà. Oui, non, mais c'est. Tu vois, en tout cas, juste le pitch comme ça, moi je suis assez séduit. Mmh. Alors voilà. Attends, c'est de qui tu me dis? De Gagnor et Zanchi. Voilà, les gouttes. Le 10 décembre. Alors ensuite, dans les sorties en vrac. Alors plusieurs choses très importantes. Déjà, comme je vous le rappelle, ce sont les fins d'année et en fin d'année ressortent tous les intégraux. De plein de séries, donc on peut par exemple penser aux intégraux des 5 Terres, de Raven également. Il y a des rééditions, donc on peut retrouver tous les Conan et les Raon si ça nous amuse. Ça commence à faire vieux, hein, tout ça, mais on peut les retrouver. Mais sinon, on peut également. Il y a aussi la republication de Avant l'Incal. Voilà. Sinon, pour les autres, on a le tome 13 de La Forêt d'Opale. Le tome 4 du Dernier des Dieux, qui est un comics, si je ne me trompe pas. Et dans la proposition que je vous fais, c'est le tome 4 de UCC Dolores. Donc, une série par les mêmes créateurs que Landfeuse de Troyes, qui est vachement sympa. Est-ce que toi, Gabriel, tu as des sorties de ton côté ou des trucs qui t'intéressent à partager? Alors, oui, qui dit Noël? Enfin, qui dit. Oh, mais voilà, bah, je rate ma transition. Ah merde. Qui dit décembre. Qui dit décembre. Dit Noël. C'est vrai. Voilà. Et donc, il y a Glénat qui nous gratifie d'un album qui s'appelle Les Joyeux Noël de Donald. Uh-huh. Et donc, c'est toutes les BD de Donald écrites et dessinées par Karl Barks. D'accord. Donc, un grand nom, en fait, de Disney. Qui a... pas inventé, mais voilà, beaucoup développé Picsou, oui, et l'univers de Donald. C'est d'ailleurs, on connaît beaucoup les BD Donald grâce à lui, donc. Voilà, ouais, il leur a donné ses lettres de noblesse, quoi. C'est ça, et donc il republie tout de, rappelle-moi le nom de Karl Barks. De Karl Barks. Sur Noël. D'accord. Ça s'appelle Les Joyeux Noël de Donald. Donc toutes les BD Donald de Noël de Karl Barks. Voilà. C'est long à dire. C'est vrai, c'est pas facile, hein. Mais c'est cool, en plus Donald, je pense que c'est super drôle Donald, donc je lis pas souvent mais j'aime bien, bah, pourquoi pas. Merci beaucoup d'avoir transmis ça. Et bah voilà, donc c'était les sorties bande dessinée. Je vois que Marie est occupée, donc elle ne peut pas dire ce qu'elle pense. Ah non, pas du tout. Ah d'accord, moi je pensais que t'étais pas là. Bonjour. Ah non, je suis là, mais je ne veux pas... faire des petits bruits parasites. Alors je... D'accord, il n'y a aucun problème. Mais du coup, moi aussi, j'ai vu une sortie BD. Alors, si je me suis pas... Enfin, j'ai vu l'info passer. C'est aussi de Glénat. Et c'est Télétravail, nouveau mode d'emploi. Moi, voilà, j'ai vu ça passer. Je me suis dit que ça a l'air marrant. Et puis, c'est pour un peu détourner l'actualité un peu morose avec la cinquième vague et tout ce qui se trame. Donc, voilà, c'est Télétravail, nouveau mode d'emploi. Et c'est de Glénat. Et il me semble que ça sort début du mois, voire même que c'est déjà sorti. Ça sort début du mois, ouais. Au moment où vous écoutez cette émission. Ouais, ouais, ouais. Il me semble que ça sort le 1er ou le 2, je sais plus. Mais ouais, ouais, j'ai. Ça sort début du mois, en tout cas, sûr. Eh ben, merci beaucoup pour vos propositions. Moi, je vous propose maintenant d'écouter un petit peu de musique. Et alors, Gabriel, c'est toi qui a choisi ce que nous allons écouter, parce que vu qu'après, on va se retrouver à Brive pour un reportage, qu'est-ce que tu as choisi ? Brive-la-Gaillarde. Bon, on entend cette ville dans peu de chansons. C'est vrai. Alors que pourtant, un très grand chanteur est originaire de Brive. De Brive-la-Gaillarde, hein, qui est Patrick Sébastien, n'oublions pas. Ah, oui, bon. Ouais, chacun ses rêves. Hein. Et donc, qu'est-ce que tu nous dis ? En tout cas, il y a une chanson de Georges Brassens qui commence par « Au marché de Brive-la-Gaillarde ». Et donc, je pense que c'est de rigueur. Bah, voilà. Bah, il me petite semble... chansonnette tout à fait légère. Et c'est plutôt marrant parce qu'à côté du marché de Brive-la-Gaillarde, il y a justement l'espace de Georges Brassens. Donc, tout est lié. Donc, voilà. Donc, comme quoi, la référence est là. Donc, c'est parti pour Hécatombe de Georges Brassens sur Fréquence BD. Ne quittez pas, nous nous retrouvons juste après pour un reportage. Au marché de Brive-la-Gaillarde, à propos de bottes d'oignon, quelques douzaines de gaillardes se crêpaient un jour le chignon. À pied, à cheval, en voiture, les gendarmes mal inspirés vinrent pour tenter l'aventure d'interrompre les chauffourées. Or, sous tous les cieux sans vergogne, c'est un usage bien établi. Dès qu'il s'agit de rosser les cognes, tout le monde se réconcilie. Ces furies perdant toute mesure se ruèrent sur les guignols et donnèrent, je vous l'assure, un spectacle à ces croquignoles. En voyant ces braves pandores être à deux doigts de succomber, moi je bichais car je les adore sous la forme de Maccabée. De la mansarde où je réside, j'excitais les farouches bras des mégères gendarmicides en criant hippipipoura. Frénétique l'une d'elles attache le vieux maréchal des logis et lui fait crier mort aux vaches, mort aux lois, vive l'anarchie. Une autre fourre avec rudesse le crâne d'un de ses lourdeaux entre ses gigantesques fesses qu'elle serre comme un étau. La plus grasse de ses femelles, ouvrant son corsage dilaté, matraque à grands coups de mamelle ceux qui passent à sa portée. Il tombe, tombe, tombe, tombe, et selon les avis compétents, il paraît que cette hécatombe fut la plus belle de tous les temps. Jugeant enfin que leur victime avait eu leur comptant de nions, ces furies comme outrage ultime en retournant à leurs oignons. Ces furies, à peine si j'ose le dire tellement c'est bas, leur aurait même coupé les choses. Par bonheur, ils n'en avaient pas. Leur aurait même coupé les choses. Par bonheur, ils n'en avaient pas. De retour sur Fréquence BD, votre émission bande dessinée tous les premiers vendredis du mois sur Fadjet. Alors, comme promis avant cette magnifique chanson de Georges Brassens qui parlait entre autres de Brive-la-Gaillarde, je vous propose un reportage effectué à la Foire du Livre qui s'est déroulé début novembre à la Brive-la-Gaillarde, justement. Et nous nous retrouvons juste après où Gabriel va nous parler de contes et de légendes de Noël. Ça m'a l'air fort intéressant. Bonne écoute sur Fadjet. A tout de suite. Fréquence BD. Pourquoi tu fais tes effets spéciaux avec la bouche ? Parce qu'on n'a plus de budget, Billy. Oh. Bonjour à tous, c'est Benjamin. Du 5 au 7 novembre a lieu à Brive-la-Gaillarde, la 39e foire du livre de la bande dessinée. Cette année, la foire était séparée en deux parties. La littérature générale à l'espace Georges Brassens et la littérature jeunesse et bande dessinée à l'espace des Trois Provinces. Je me suis rendu à l'espace des Trois Provinces et j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec quelques auteurs et illustrateurs de romans jeunesse et de bande dessinée afin d'en savoir un peu plus sur leur métier et sur la foire du livre en général. Je me suis d'abord rendu du côté de la littérature jeunesse, où j'ai pu faire la rencontre de Roland Fuentes, un auteur de romans jeunesse. Je lui ai demandé quel message il souhaitait transmettre dans ses écrits, destinés aux enfants et aux adolescents. Quand j'écris un texte, je pense pas d'abord à un message, mais c'est vrai que souvent, pendant que j'écris le texte, je me rends compte que je suis en train de parler de tel ou tel sujet, et je me rends compte que je parlais beaucoup de la mémoire, ou de l'écriture, il y a pas mal de livres sur le livre, et puis pas mal aussi du corps, à travers le sport, les sensations physiques. Quant à Gordon Zola, un auteur s'étant spécialisé dans le livre burlesque, pour lui, l'humour est une leçon de vie. Bon voilà, donc j'essaie de trouver un axe d'écriture toujours original, d'avoir une grille d'écriture complètement décalée, et d'avoir une vision plutôt humoristique du monde en réalité, et d'avoir, avec, grâce à l'humour, de pouvoir faire réfléchir, mais sans donner de leçons. C'est-à-dire que le second degré permet, contrairement au premier degré, permet de ne pas imposer une façon de penser, mais d'ouvrir des pistes de réflexion intéressantes sur tous les sujets possibles imaginables. Et enfin, pour Aurélie Krupp, une autrice et scénariste de bande dessinée, invitée pour présenter un livre sur le postpartum, le pouvoir de ce média, c'est surtout de... Moi, je voulais que les femmes puissent trouver un support à des choses qu'elles ont vécues, ou en tout cas de mettre des mots et des images sur des ressentis dont personne ne parle. Et pour Sandrine Carion, autrice et illustratrice d'une bande dessinée sur le mouvement Gilets jaunes, son objectif était de... De recueillir des témoignages de Gilets jaunes, donc des Côtes d'Armor en Bretagne. Et le but, c'était de retranscrire la mémoire du mouvement, mais à travers le regard de ceux qui l'ont vécu. Voilà, donc le but, c'était vraiment pour moi de faire un travail de mémoire par rapport à ça, et que les personnes elles-mêmes s'expriment sur ce qu'elles ont vécu. Voilà. Nous faire réfléchir, mais surtout mettre des mots sur ce qui nous entoure et nous traverse, là est la mission des auteurs. Mais justement, notre façon d'écrire et notre façon de concevoir le monde dépend énormément de nos références. Je leur ai alors demandé leur inspiration. Pour Jean-David Morvan, scénariste de bande dessinée, son inspiration c'est le message des anciens avec la création d'une BD relatant l'histoire de Madeleine Riffaut durant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui m'attire, c'est vraiment très varié. Je pense que c'est pour ça que j'ai fait autant de livres et autant de livres différents. J'ai vraiment fait dans tous les genres. Et là, pour Madeleine, c'est vraiment particulier parce que ça naît d'une rencontre. Et un jour, j'ai vu Madeleine Riffaut à la télé dans un documentaire qui s'appelle Résistante, justement au pluriel. Et en fait, je me suis dit, cette dame, c'est ma dernière chance de rencontrer des témoins de cette période. Donc, j'ai réussi à la contacter. Et puis, finalement, on a fait la bande dessinée ensemble. On est devenus vraiment amis. Ça fait 4 ans, mais j'étais encore chez elle il y a deux nuits. On a passé la nuit à parler du Vietnam, de l'Algérie. J'ai également pu rencontrer une conteuse, Nanciette, qui souhaite faire découvrir la nature aux enfants via ses histoires. C'est tout naturel que ses inspirations y prennent racine. Mes inspirations, c'est la nature. Je suis née dans le Pays Vert, donc j'ai vécu un petit peu tout ce que je raconte, même si les enfants ne le savent pas. Et il n'y a rien de plus évident que de parler de ce qu'on connaît et de ce qu'on aime. Évidemment, certains grands noms de l'écriture peuvent être des références. Roland Fontes nous en cite quelques-uns. Si je devais retenir que quelques auteurs, ça serait des auteurs comme Buzzati, Calvino ou Kafka, ou qui est encore vivant, Georges-Olivier Château-Renaud. Gordon Zola nous en cite également quelques-uns. La première inspiration, ça peut surprendre au premier abord, mais c'est Céline. Céline, si on prend mort à crédit de Louis-Ferdinand Céline, c'est pour moi le livre comique par excellence. Après, bien sûr, il y a les plus évidents, qui vont de Alphonse Allais en passant par Frédéric Dard. Le métier d'écrivain est un métier qui attire, mais qui n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Je suis donc parti en quête de quelques conseils pour une personne souhaitant se lancer dans le milieu de l'écriture. Pour Pierre Fouillet, auteur et illustrateur de bande dessinée, il faut évidemment de la passion, mais pas que. Alors je pense que la chose la plus importante, c'est la passion. C'est des métiers de vocation. Et contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas des métiers uniquement dédiés au dessin. Il faut avoir beaucoup d'intérêt, de curiosité sur tout ce qui nous entoure. Faire des études, cultiver beaucoup. Parce que tous les récits, l'histoire, tout ce qui concerne le monde qui nous entoure est une nourriture pour nos ouvrages successifs. Quant à Arthur Tenor, auteur de romans jeunesse, il nous donne un conseil sous forme de paradoxe. Résumé en un seul conseil, c'est d'avoir la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Ne jamais quitter la terre. C'est-à-dire que même quand on crée une histoire fantastique ou d'imaginaire complet, il faut que ça reste crédible. Et puis c'est des exigences concrètes, techniques. On ne peut pas faire n'importe quoi, donc il faut vraiment avoir les pieds sur terre, être très concret, très rationnel. Mais il faut savoir s'envoler aussi. Alors, c'est un paradoxe, et il faut savoir gérer ces paradoxes. Et enfin, pour Sandrine Carion, il faut surtout une sacrée détermination. Mais surtout, il faut être très tenace, quoi. Faut pas lâcher, quoi. Jusqu'à ce qu'on arrive à publier un livre. Après toutes ces questions sur leur métier, je leur ai demandé quel était leur avis sur les foires du livre en général et sur ce que cela leur a apporté. Pour certains, c'était la première fois, comme Nanciette. Voilà, et la plus belle récompense, c'est d'avoir plein d'enfants qui viennent, qui sourient, qui apprécient aussi ma tenue, puisque je suis habillée avec mon costume. Et ça, c'est plutôt rigolo, c'est un jeu en fait. Ou bien Aurélie Krupp. Moi donc du coup je découvre, c'est mon deuxième salon, donc c'est les tout premiers. Après je trouve ça intéressant de parler en direct avec les gens parce qu'il suffit d'amorcer la conversation sur le sujet, ben, notamment avec les mères, c'est souvent des mères qui s'arrêtent devant mon livre. Et en commençant à dire j'ai vécu ci ou ça, en fait tout de suite elles se lâchent et il y a des souvenirs qui remontent où elles me disent ah mais oui moi c'était pareil etc. Et du coup je pense que déjà juste ça leur fait du bien et de trouver un bouquin, c'est ça, qui reflète leur vécu et pouvoir discuter entre auteurs et futurs lecteurs. Je trouve ça super intéressant d'avoir le retour direct, en fait. Alors que certains sont déjà des habitués, comme Jean-David Morvan. Bah moi, j'adore la foire du livre de Brive. J'aime bien les festivals en général parce que j'aime bien rencontrer les gens, discuter. Et puis moi, ça m'aide à voyager. Et puis je retrouve des copains dessinateurs, j'en rencontre d'autres. Donc pour nous en tant que professionnels, c'est toujours des choses enrichissantes. Il y a pas mal de projets d'ailleurs qui naissent dans les festivals parce qu'on rencontre des autres auteurs avec qui on se dit ah ben un jour on ferait bien un truc ensemble, donc c'est toujours motivant. Évidemment, que serait une foire du livre sans les visiteurs ? J'ai pu en rencontrer quelques-uns qui nous donnent leur avis dessus, comme Emmanuel et Maëlle. Alors, c'est un événement que j'apprécie beaucoup. C'est la deuxième fois que je viens. Vraiment, moi, j'adore l'univers du livre. Donc, je suis très contente d'être ici, de pouvoir parler des auteurs, les rencontrer, avoir des belles dédicaces. J'aime bien parce qu'il y a beaucoup de livres. Ou bien Olivier et Barbara. Alors, nous sommes venus pour la bande dessinée. Oui, nous avions repéré les auteurs que nous voulions voir à l'avance. Maintenant, on en découvre toujours sur le festival. Donc, pour nous, c'est toujours un plaisir de venir ici. Moi, ce que j'apprécie énormément, c'est surtout l'ouverture d'esprit des auteurs, leur convivialité à nous recevoir, à répondre à nos questions. Et c'est toujours un plaisir, justement, d'avoir la dédicace, mais aussi d'avoir un échange en direct avec l'auteur. Pour rappel, la foire du livre de Brive 2021 aura vu plus de 300 auteurs tous différents et la remise de divers prix littéraires. Durant ce week-end, environ 50 000 visiteurs ont pu découvrir et discuter avec divers auteurs. Une reprise post-confinement qui annonce que du bon pour les prochaines éditions. Et enfin, si vous souhaitez écouter les interviews complètes des auteurs présentés durant ce reportage, je vous invite à vous rendre sur la chaîne YouTube Fréquence BD, où vous y retrouverez tous les podcasts dans la playlist dédiée à la foire du livre. C'était Benjamin sur Fréquence BD. Life sucks and I never try suicide. Mind's fucked even more than I realize. Time's up, keep it moving when she arrives. If you ever heard what I heard in my mind, never try, you would cry, that's a lie, you would die. I don't wanna ever come down from a high, I am in the best seat. From time, been the next breed, if you're coming, come at me directly. Don't need no one to defend me. Souls in a place even I can't get to, don't fuck with the deadly. Moon waves and open seas, quick coasting overseas. Fuck those who don't believe, they will never wanna admit I'm the best here. From the mere fact that I've got ovaries, it's a woman's world, so to speak. Pussy, you sour, never giving credit where it's due, cause you don't like pussy. And power, venom. My, if you ever heard what I heard in the night, what a fright, must have been a parasite in my past life. I don't wanna ever come down from a high, my soul was sending to the sky. It's just you and I, gone but I'm feeling too alive, trying to get me out of spite. Someone's gotta pay, I ain't talking big amounts. Some kind of physical pain, some kind of traumatic shit. Niggas wanna see dead bodies, probably not, they enrolling with no automatic clips. Moving scatty, all erratic and shit. Niggas pussy looking batty and shit. Oh you mad, then come at me you prick. Make a move, better pattern it quick. I assume you'll be coming for blood. That makes two of us, that makes two of us, venom. Time today, like we roll trees, save lives and made minds of gold deep. Oh, he wouldn't have guessed I'm so chill. Part of the day in the life you won't see. Part of the day in the life you can't be here for. It's the day in the life of OGs. Dealing with inner demons, I won't leave. Not a word you will listen when my soul speaks. Down I go, so follow me, follow me, follow me. Actually, don't follow me, nobody bother me. I'm a mess, honestly, fuck all your policies. They wanna kick me down and demolish me. Use me or fucking abolish me. I don't wanna hear no apologies. Or am I in my own head? Can't tell anymore. Psychotic to the death. When I dig deep, I can never find that I left. It's a mystery. Rage, nothing but rage. Can't figure out if I'm going insane. Ain't no doubt we'll be showing no mercy. So think twice if you wanna get blazed. Nothing ain't nice right here, no games. I don't wanna dart nobody in a flash. True resist, they got hands in the air. Put the money in a bag. All cash, venom. Venom. Faites le plein de bonnes ondes avec Fadjet. Ouais, ça c'était du bon son métal. Mais pas du tout, c'était... Fréquence BD. C'était Venom de Little Sims, une chanson proposée par Marie. J'espère que vous avez apprécié déjà le reportage et ensuite la chanson. Ça change un peu du rap sur... oui, on peut appeler ça du rap sur Fadjet et sur Fréquence BD même. Et je vais laisser la parole à Gabriel. Ben voilà, moi je voudrais vous parler, donc en ce mois de décembre, toujours sur la thématique de Noël. Alors en l'occurrence, pas forcément des trucs directement liés à Noël, mais de choses, de BD en fait, qui pourraient être offertes, voilà, aux petits et grands. Alors sur des thèmes plutôt fantastiques, sur des thèmes de contes par exemple. Alors des contes, quel type de contes? Tous les contes ou alors des contes qui se rattachent à la période? Contes, absolument tous les contes. D'accord. Alors je dis tous les contes parce que j'ai découvert un super éditeur. Donc c'est les éditions Petit à Petit qui ont publié des adaptations en BD de contes en fait de partout dans le monde. D'accord, donc c'est pas que les contes de Perrault ou de Grimm qu'on connaît déjà très très bien. Voilà, c'est pour changer un petit peu, faire découvrir d'autres horizons. Donc, voilà, les contes asiatiques, les contes des pays celtes, contes yiddish, les contes africains, les contes arabes, les contes indiens, les contes inuits. Les contes en banque aussi ou pas? Oui, bien sûr. Ah, c'est blanc. Ah, il a fait mal, ce blanc. Pourtant, c'était bien. Ouais. Merci, Marie. J'ai bien aimé, mais j'ai été tellement surpris que je n'ai pas su comment réagir. C'est ça. C'est... Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Donc, oui, beaucoup de comptes. N'hésitez pas à les offrir voilà, à votre famille ou à vos amis, parce que les bons comptes font les bons amis. Alors on va peut-être arrêter là parce qu'on va avoir des comptes à rendre sinon. Je pense que clairement, on a notre compte là, tu peux arrêter. C'est terrible, il se passe des choses. D'accord. D'ailleurs, vu que là je suis sur le site internet de la maison d'édition Petit à Petit, ils font également des biopics de célébrités de pop et rock culture, genre Bob Marley, Queen... Queens, etc., etc. Donc ça peut être aussi une idée, tu vois, de... Eh oui. T'aimes bien Indochine? Bah tiens, je t'offre le biopic Indochine en BD. Parce que c'est bien les biopics. D'accord, donc petit à petit. Alors, je retourne sur tes comptes, mais alors qu'est-ce qui t'avait attiré comme compte? Comment t'as découvert ça? Je cherchais tout simplement des bonnes adaptations de comptes en BD. Ouais. Ce qui m'a séduit, c'est vraiment la spécificité du fait qu'il y a des contes absolument partout chez eux. Mmh. Par exemple, les contes amérindiens, on les connaît très peu. Moi, j'en connais un, peut-être. Lequel? C'est pareil. Bon, c'est un conte avec un renard qui crée le monde. Bon. Ouais, non. Effectivement, je ne le connaissais pas. Expliquer comme ça, c'est... Justement, bah, voilà. Moi, je suis un très mauvais conteur. Je pourrais pas l'expliquer. Donc, si vous voulez, bah, voilà, discuter de belles histoires avec quelqu'un, ça sera plutôt vers ces BD-là qu'il faut se tourner. Non, et puis c'est bien. En plus, ça change. Puis un conte, normalement, c'est quelque chose qu'on te lit. La vie de ça en BD, tu peux le lire toi-même. Donc, c'est vachement bien. Moi, j'aime bien l'initiative de nous parler à nous. Ah, on peut te lire, on peut aussi te le lire, c'est aussi pour les enfants, il y a ce côté. Oui, bien sûr. On peut te lire une BD et te montrer les images ensuite. C'est aussi. Généralement aussi, la BD, c'est un. Enfin, pour certains enfants, c'est un des premiers pas vers la lecture plus avancée, avec des livres, etc. Donc ça peut être aussi bien. Et le format conte, c'est parfait, quoi, pour les enfants. Alors c'est justement très intéressant ce que tu dis quand tu dis c'est la. Le premier pas vers la lecture, parce que au tout début, j'avais vu ça, il y avait une exposition qui en parlait dans la ville de Tulle, hein, comme quoi on y trouve des choses. Et c'était une exposition sur les origines de la bande dessinée. Et en fait, ça racontait que au début, on ne savait pas quoi faire de la bande dessinée. On a dit, c'est cool, ça existe. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Et les premières choses enfin les premières histoires qui ont été faites en bande dessinée, c'était tout simplement les réécritures des contes de Grimm's, des contes de Perrault, donc des trucs où on savait que ça allait fonctionner, parce que tu sais, c'était nouveau, alors fallait pas trop chambouler les gens. Et en fait, il y a eu énormément de reprises, enfin, de ces contes en bande dessinée, tellement que en fait, au début de la bande dessinée, bah, il n'y avait que des contes. C'est qu'après qu'on s'est dit, mais attends, c'est un peu con de faire que ça, et ils ont fait autre chose. Mais vraiment, au début, c'était que des contes, et ça permettait de, bah, justement, de faire en sorte de rajeunir des œuvres, et faire en sorte que les enfants lisent. Il y avait déjà les réacs à l'époque, ils disaient, oh là, c'est n'importe quoi, les enfants lisent de la BD au lieu de lire des livres. Ça a changé maintenant. Mais ce que tu me dis, ça me fait vraiment penser au fait que, bah, en fait, les contes, dans les premières éditions dans lesquelles ils sont sortis, il y avait déjà des illustrations. Par exemple, les très fameuses illustrations, alors je sais plus qui les a fait, mais de Alice au pays des merveilles, ouais, où c'était le texte et l'image étaient vraiment compris ensemble quasiment, et dans plein d'autres, contes, voilà. Mais les illustrations, je crois pas que ce soit de lui. C'est nouveau en fait d'avoir associé les contes à la bande dessinée, parce qu'il y avait déjà en fait ce rapprochement là quasiment dès l'origine, quoi. Oui, mais bien sûr, mais voilà, j'avais vu que je voulais faire le mec érudit qui allait en exposition, tu vois, et qui apprenait des choses. Qu'est-ce que tu voulais rajouter d'autre, Gabriel? Excuse-nous. J'aimerais bien vous parler, excuse-moi, d'une autre adaptation. Ah. En l'occurrence, c'est l'adaptation d'une légende arthurienne. D'accord. Donc ça, c'est Perceval. Perceval. C'est d'une partie du monde. Oui, c'est vrai. Donc c'est la BD Perceval de Anne-Caroline Pandolfo. Alors qu'est-ce qu'elle a de spécial? L'édition Le Lombard. Elle est magnifique. Alors là, comme ça, c'est pas très radiophonique de le dire. C'est vrai, mais que là, c'est compliqué. Bah, c'est une BD qui arrive à parfaitement retransmettre le côté à la fois merveilleux, poétique et mystique de la légende arthurienne, et en même temps son côté violent, quand même. Parce qu'il y a des combats, il y a des personnages qui meurent, c'est. L'atmosphère de cette BD est vraiment très particulière. Elle est assez sombre. Et en même temps, les couleurs sont chatoyantes et le dessin est un peu naïf. Et donc, voilà, ça a vraiment été un coup de cœur pour moi, cette BD. Et je pense que, à l'occasion des fêtes, ça peut être très bien. Mais alors, Perceval, rappelle-nous, à part chercher le Graal, il a fait quoi? Oh, il a sauvé des princesses. Alors, à la base, ce qui est intéressant dans la légende de Perceval, c'est que c'est pas un chevalier qui a toujours été chevalier. Dans la légende, sa mère vit en ermite, et donc avec Perceval, parce que son père, à lui, était un chevalier et est mort au combat. D'accord. Où sa mère veut pas qu'il devienne chevalier. Mmh. Et lui, par contre, une fois qu'il découvre des chevaliers, il a qu'une seule envie, c'est de le devenir. Déjà, il y a un petit côté tragique. Là-dedans, quoi. Très dramatique, quoi. Et donc, c'est un sauvageon. Et donc, en fait, dans la BD, tu suis son introduction à la cour du roi Arthur, à quel point il est beaucoup plus pur que les autres chevaliers. Mais voilà. Aussi, à quel point il n'hésite pas à verser le sang pour des causes qu'il croit justes, etc. D'accord. Et finalement, est-ce qu'il va mourir comme son père, ou alors c'est du spoil? Ce sera du spoil. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est du spoil, vu la vieillesse du truc? Ouais, alors, la BD s'arrête pas à la vraie fin de la légende arthurienne. D'accord. En fait, c'est un peu Perceval Origins. C'est pas mal. À la fin, il part chercher le Graal. Ok, donc c'est vraiment le préquel à la quête du Graal de Perceval. Voilà, c'est ça. Mais par contre, tu vois une scène qui est très célèbre, c'est que en fait, le Graal passe littéralement devant lui et il le reconnaît pas. Ça, c'est très marrant. Bon, Alexandre Astier, on a pris un truc très drôle dans Kaamelott. Oui, j'ai vu quand je tapais Perceval sur internet, je voyais que Kaamelott, donc j'étais un peu perdu. Voilà. Mais c'est qui déjà le chevalier qui avait réussi à attraper le Graal? Je crois que c'est Galahad. Je sais plus du tout. Tu sais, toi, Marie? Ah non, je sais pas. Bon, ben, c'est pas grave. On va dire que c'est Galahad, vu qu'on ne sait pas tout des chevaliers de la table ronde. du moins, si Galad, c'est pas le fils de Perceval. Enfin, genre, c'est compliqué, hein, tout ça. Ouais, et ça va, il y a les légendes des dieux grecs, hein, qui sont encore plus compliquées sur les descendances, hein, donc... C'est sûr. avec Zeus, là... Voilà, mais oui. Si vous regardez la couverture donc, de la BD Perceval, là, vous verrez totalement ce dont je parlais, en fait. Dans le coin droit, en haut à droite, c'est plein de corbeaux, dessinés de manière très inquiétante. Et en bas à gauche, c'est Perceval, très dessiné avec un trait naïf, chatoyant. Voilà. Oui, de Anne-Caroline Pandolfo, effectivement. C'est ça, hein? Pandolfo. C'est ça. C'est vrai, je viens de trouver la couverture, c'est vrai que ça fait... Bah, on voit que les corbeaux, ça représente clairement son destin qui l'attend, au final. C'est un peu ça, ouais. Ok, et eh ben merci beaucoup pour ces présentations. Et donc, nous allons écouter un rap proposé par Gabriel, qui s'appelle très sobrement Noël, de Anton Serra, Eddie et Lucio Bukowski. C'est bien ça, hein? C'est ça. Eh bien, c'est parti, en espérant que ça vous plaise. Et juste après, voilà, avant de se quitter, avec Marie, on voulait vous parler de choses qui nous tenaient à cœur, mais qui n'avaient pas forcément lien avec la bande dessinée, parce que finalement, lire c'est bien, mais lire c'est bien. Je n'ai aucune conclusion. Donc c'est parti pour Noël, dans tout ça. Noël, y'a que chez les gens que je trouve ça sympa. Chez moi, c'est une date que je ne sens pas saper. Moi, le moral pour le 25, je suis pas surpris, saper. Pour balayer le passé, épine du sapin, ça passe. Oui, ça passe, ça casse les couilles, mais casse la tienne, ça tasse. De vieux dossiers, faire bonne figure et à la tienne, la tasse. On l'a tous bu, repu, espongé de tapas. On n'a pas attendu minuit pour que l'horloge s'attarde. Engueulade des guirlandes, 12 ans d'âge d'Irlande et des punchlines en A-cap. À table, rien que ça balance pas mal. Des litanies embrumées d'une épaisse fumée de camel. Bordel et compagnie, j'aurais mieux fait de décamper. Pêcher le poisson pané à l'hôtel Campanile. Du vin chaud sans cannelle, crise de foie sous la canine. Packaging foireux comme champagne en canette. Loin de la manette, méga drive. Des parfums de mandarine et sans le savoir, on fait un drame. À deux doigts de péter un câble. Petit papa en VRP, commercial plein de faux merci. Que tes cadeaux accompagnent. Sois heureux de ce qu'on t'amène. Apprécie la vie, le compte ta mère. Comme le paillement, le spleen contamine. Sable surtout pas le bêtisier que t'es fantamine. C'est un peu inventé un jour pour être gentil. Pourtant je t'aime, c'est plus beau en chuchotant. Mais c'est mieux que rien, mieux que rester chez toi. Oui monsieur, vive les traditions déjantées. Y'a des huîtres et du sang sur les mains de mon père. Toutes les années il croit avoir trouvé la technique. On vient pas de la mer, tu connais la suite. Il les a achetés cher et il est persuadé que c'est pas de la merde. Vinaigre, échalote, il dit que le citron c'est pour les fiottes. Pour les gens qui viennent du sud. Mais ma grand-mère en demande et elle sera pas déçue. Il lui sourit lentement, il lui pressera de suite. Minuit approche, je suis fatigué. J'attends l'heure fatidique pour me lever comme un pâtissier. Bercé par les blablas de mes oncles et tantes. L'odeur de la dinde se mêle aux rires éclatants. Puis vient le ding-dong, 12 fois. Je me réveille doucement et j'entends sa douce voix. Plutôt décevant, putain mais qu'est-ce qui nous ramène. Une table de ping-pong ou des skis de foie. Papa Noël titube et sans le tabac froid. Et sans le taper fort, il tombe par terre. Je crois que ça m'effraie, les tontons se marrent. Et les balances, vas-y Gérard. Barbe blanche et bourrée, ambiance bizarre. Garder les oranges pour ma cellule quand j'aurai crevé le barbu. Étoile en plastoc sur un factice arbuste. Claque leur smic et finissent dans le pétrin. Guirlande lumineuse au-dessus d'un peuple éteint. Sous de beaux rubans, je les caresse d'argot. À coup sur le petit Jésus, j'herbrais ses escargots. Marie tapait-elle du champ dans l'étape. Mamie t'offre un pull en laine orange, même pas à ta taille. Faudra sourire avec un air sincère. La fête avec des tronches de reines suicidaires. Mais bon, faut le faire, paraît que c'est pour les petits. Un peu de répit avant qu'enfin ils perdent leur peu de magie. Dans les boutiques, les gens se poussent du coude. L'œil à moitié fou, prêt à se foutre dessus. Ça doit être l'esprit Noël qui les rend plus trop pleins. La bouche pleine de mensonges sur l'amour du prochain. Mon cul s'y arrive même pas un soir par an. La bûche est pas mauvaise, les clodos transparents. Tu t'en branles, t'attends juste le chèque de tes darons. Le réel arrosera toutes ces dindes d'un tas de marrons. Gardez vos sapins, j'ai mon chant de Troène. Envie de bouffer des cachetons quand j'entends leur chant de Noël. M'adapterai et mimerai tout un bonheur criant. Quitte à envelopper ma noirceur dans du papier brillant. Et tout de suite, c'est l'heure de Fréquence BD. Olé, olá. De retour sur Fréquence BD, votre émission bande dessinée sur Fadjet. J'espère que vous avez apprécié ce rap d'Anton Serra, Eddy et Lucio Bukowski du nom de Noël. Tu peux juste te dire chanson, hein, si tu veux. Chanson. Je vois, ça t'écorche un peu. Le rap? Non, pas du tout, ça m'écorche pas du tout. Non, mais en fait, j'aime bien la façon dont tu le dis en roulant le R, la colère. Non, mais en fait, ça me fait rire parce que je me dis qu'il y a les, jingles où il y a Bob Lennon qui parle de métal, tu sais, alors qu'on balance que du rap. D'ailleurs, c'est vrai qu'on est, on est de la chanson française et du rap. C'est vrai, je vais lui demander qu'il fasse une imitation de Brassens. Écoutez, il n'y a pas de souci. Moi, je. Ouais, très très bien. Sinon, moi j'ai des sons de métal, donc la prochaine fois. D'accord, on fera ça en l'honneur de notre jingle. Moi aussi j'ai des sons de métal en fait. D'accord, ok, bon bah écoute. Ah bah voilà, parfait. Donc j'espère que t'es prêt, Benjamin. Je suis prêt, je n'aime pas beaucoup le métal, mais voilà. Je suis prêt. Je peux en enregistrer 3 minutes. non, il commence, ça y est, c'est fini. Là, avant, tu as pas compris. J'avais Non mais pose tes instruments Gabriel. Okay. Alors Marie, on voulait parler, il me semble, si je dis pas de Gabriel. Marie, si je dis pas de bêtises, on voulait parler du Saint-Nicolas. Oui, avec nous on voulait parler un peu d'une légende un peu locale, celle du Saint-Nicolas, quoique qui est pas si locale que ça. Moi, ouais, dans l'Est. Mais voilà, et moi j'ai... Oui, voilà, dans l'Est. Et j'ai vu passer une BD qui sort justement sur cette légende. Elle sort du coup aux éditions du Rock. Et en fait, le but c'est un peu dans ce que proposait tout à l'heure Gabriel, mais là le but c'est donc de revisiter la légende, le conte. Et donc le crayon, on va dire, est donné à 40 dessinateurs pour qu'ils révisent un peu à leur sauce cette légende. Donc voilà, j'ai vu quelques plans. J'aime pas du tout la couverture, elle est vraiment pas ouf, mais sinon ça a l'air sympa. Et voilà, et du coup au final avec Benjamin, on se posait la question de quel est le rapport que le chroniqueur avait avec le Saint-Nicolas. Alors très bonne question. Toi Gabriel, c'est quoi ton lien avec le Saint-Nicolas, saint patron des écoliers? Pour moi, c'est évidemment le pain d'épices. Hein. Comme beaucoup d'enfants. Ah oui, alors, je viens de voir la BD, la couverture est horrible. Alors, c'était quoi déjà? Oui, elle est vraiment pas ouf. Hein. C'est vraiment pas ouf. C'est de Saint-Nicolas et c'est des éditions du Rock. Mais j'ai vu des autres... là, sur leur site, aux éditions, il n'y a pas ce que j'ai vu sur Internet. Mais il y avait, en fait, ils reprenaient un peu des styles, genre Picasso, genre les impressionnistes et tout. Et du coup, c'était assez marrant de voir la légende transposée dans d'autres styles. Je trouve ça super sympa. Mais la couverture est pas quelque chose. Je la trouve pas. Vous pouvez me l'envoyer, s'il vous plaît? c'est juste pour moi. Okay. En attendant, du coup, donc toi, c'est le pain d'épices, Gabriel. Bah oui, parce que comme beaucoup d'enfants, moi je connaissais la légende, le conte, enfin, c'est une légende, voilà, sur le saint qui a fait revivre des enfants, qui était mort, tué par un boucher. C'est vrai. Mais bon, pour moi c'était juste une fête parmi d'autres, et notamment donc, marquée par le pain d'épices. Donc toi t'étais là pour la bouffe en fait. Totalement. Mais c'est vrai, c'est bon, bah tu vois, je suis revenu il y a quelques temps en Lorraine. Et là, je me suis dit, est-ce que le pain d'épices est déjà dispo? Parce qu'on n'était pas au mois de décembre à ce moment-là. Et oui, il y était, le pain d'épices. Et ben je peux te dire Et c'est vrai que ça fait du bien, finalement, de manger ce pain d'épices de Saint-Nicolas. Totalement. Mais à la cantine, en fait, quand il y avait le jour du pain d'épices, c'était incroyable. Ah, oui. C'est vrai, même si le pain d'épices... Tout le monde avait sa petite image de Saint-Nicolas, du coup. Ouais, voilà. Tu faisais très attention à l'enlever, pour pas que ça colle. Enfin, pour pas s'arrêter. Justement, t'essayais de la coller sur le pain d'épices de tes potes, parce que comme ça, ils le mangeaient, c'était marrant. Alors, on n'a pas eu les mêmes pains d'épices, ou les mêmes potes. On n'a pas eu la même enfance. C'est parce que tu harcelais tes petits camarades. C'est ça, elle les suivait avec l'autocollant du Saint-Nicolas. Prends-le. En pensant que c'était un poisson d'avril, mais en fait, non. C'est ça. Juste l'image du Saint-Nicolas. Moi, mon lien avec le Saint-Nicolas, bah, il est simple. En fait, il passait... En fait, j'avais ma grand-mère qui habitait dans la merveilleuse ville de Saint-Nicolas, ce qui fait que lors du défilé, on allait à Saint-Nicolas voir le Saint-Nicolas, et je crois que Marie, t'as aussi une histoire là-dessus. Oh oui, oui, exactement. Et c'était toujours fun de dire je vais voir le Saint-Nicolas, Saint-Nicolas. Alors, il lançait des bonbons, moi j'en avais jamais, mais alors toi, Marie, t'avais une technique pour en avoir. Alors, donc pareil, exactement comme toi, je me rendais à Saint-Nicolas-de-Port pour aller voir le défilé du Saint-Nicolas. Il y avait des barrages et j'arrivais à passer en dessous des barrages pour récupérer les crémas qui étaient par terre. Et je me suis fait salement engueuler par mes parents parce que c'était super dangereux, il y avait des voitures et tout. Et en fait, moi, je voulais vraiment récupérer en mode fort boyard les bonbons tombés par terre. Donc, quelque part, c'est aussi un lien à la bouffe, du coup. C'est pas le pain d'épices, c'est les bonbons, mais... C'est vrai. Bah, après, c'est aussi un moment où il y a plein de sucreries, donc c'est normal qu'on parle énormément de nourriture. Et justement, grâce à Fadjet... il y a 2 ans de ça, on avait pu avoir sur le plateau, peut-être que certains qui écoutent l'émission s'en souviennent, lors d'une matinale, on avait pu interviewer, c'était un mercredi matin, le Saint-Nicolas, le mec qui est sur les chars dans le défilé de Nancy. Waouh, bah non, mais tu veux dire le vrai. Ou le vrai Saint-Nicolas, mais celui qui est dans le défilé. Oui, calme-toi par contre, Benjamin. Non mais, quand je dis le mec qui est sur le défilé, je dis les le mec parce news, que... Les fake news, c'est pas acceptable ici. Je dis le mec parce que c'est mon pote, tu vois, le Saint-Nicolas, maintenant. On a fait les coups. Ouais, coup. Il est sympa, ouais, ouais. En vrai, il est très sympa. Et alors, je vous dirai pas son deuxième métier pour pas griller sa couverture, mais c'est un homme très sympa. Et il avait, vous savez, les pâtes de fruits avec lui, il y en avait plein et tout, j'étais content. Et donc, j'ai pu réaliser mon rêve de gosse ce jour-là, car j'ai pu tenir la crosse du Saint-Nicolas. Oh là là. Tu vois, jalouse, hein. Non, un peu jalouse. Classe. Ouais, mais donc voilà, ça c'est mon lien avec le Saint-Nicolas. C'est les bonbons que j'ai pas eu et le fait d'avoir pu l'interviewer justement après toutes ces années à le voir au loin. Qui t'a donné des bonbons du coup? Mais oui, il m'a donné des pâtes de fruits que je t'ai dit. Non, mais est-ce qu'il t'a donné tous les bonbons que finalement il te devait après tant d'années à ne rien avoir eu? Non. Parce que tu es un enfant sage, donc effectivement, tu aurais pu avoir des récompenses pour un enfant sage. C'est pas que je veux pas, Benjamin, mais là, il faut que j'aille dans d'autres écoles primaires juste après. Si je te donne tout, ils en auront plus. Enfin, tu sais, c'était des histoires. Hein. Est-ce qu'il t'a dit c'est un peu la reste en ce moment, il n'y a plus trop de bonbons, l'inflation, tout ça? Il m'a pas dit ça comme ça. Il m'a juste dit que c'était compliqué de promener avec son âne dans Nancy, c'est tout. Après, le reste... Ah ouais, ah bah, rien n'est fait pour les ânes à Nancy. Ouais, rien pour les eurodateurs. Les eurodateurs. C'est des sacrés écolos qui nous mettent des pistes cyclables, mais pas des pistes pour les ânes quand même. C'est vrai. Mais bon, c'est peut-être pour ça que le Saint-Nicolas, il a eu du mal à avancer ces derniers temps, je ne sais pas. Alors, est-ce que tu peux juste redonner le nom de cette bande dessinée sur 40 auteurs qui dessinent le Saint-Nicolas? Alors, tout simplement, c'est Saint-Nicolas, c'est des éditions du Roc, et voilà, c'est disponible depuis le début novembre. Et c'est quand, Fréquence BD? On est en plein dedans, Billy. Ah. Ok, et ben parfait, Saint-Nicolas aux éditions du Roc, donc 40 auteurs qui dessinent le Saint-Nicolas. Et vous, quel est votre lien avec le Saint-Nicolas? Ou est-ce que vous allez toujours voir son défilé? Ben, dites-le nous, comment vous pouvez nous le dire? Vous pouvez nous le dire sur le compte Instagram de Fréquence BD qui est tenu par Gabriel, n'est-ce pas? C'est ça. Vous pouvez y aller, il est tenu à jour de temps en temps et vous y retrouverez voilà, diverses informations sur l'émission en elle-même. De plus, vous pouvez également retrouver toutes les rediffusions de Fréquence BD sur chaîne YouTube de Fréquence BD ainsi que toutes les interviews du reportage que vous avez pu écouter en début d'émission. Et il me semble qu'on est bon, n'est-ce pas? Eh bien, il me semble aussi. Donc, j'imagine qu'on va se retrouver le 7 janvier 2022. Est-ce que vous voyez déjà en 2022? Mais pas du tout. C'est passé vite. Alors, de quoi sera teinté 2022? Est-ce qu'il y aura un nouvel arc du Covid? Est-ce que nous allons avoir des nouveautés folles dans Fréquence BD? Est-ce que Marie aura son train? La grande question. C'est vrai. Est-ce que nous allons repasser en direct? Nous ne le savons pas. Mais voilà, donc on se retrouvera le vendredi 7 janvier. Alors personnellement, moi je vous souhaite des bonnes vacances. Enfin des bonnes vacances, des bonnes fêtes de Noël plutôt. De bonnes fêtes de fin d'année, de bonnes vacances, du repos, et des cadeaux, c'est ce vrai. Genre de choses. Et en tout cas, très bonnes fêtes. C'est ça. Et à l'année prochaine. À l'année prochaine, sur Fadjet. Et on se retrouve en 2022. Allez, salut. Ne pleure pas, Billy. Fréquence BD revient le mois prochain avec toujours plus de BD, des invités encore plus puissants et des animateurs toujours aussi... politiquement neutre afin de s'assurer une sécurité de l'emploi. Excentrique, Billy. Et c'est tous les premiers vendredis du mois.